Les adieux. La nuit a été réparatrice et les péripéties de la détestable soirée avec les deux harpies ne sont plus qu'un lointain souvenir. J'ouvre les yeux, un coup d'œil à ma montre sur le chevet, 7h30. Je me retourne et le drap glisse vers le bas. Nathalie marmonne et me cherchant un tâton, passe son bras autour de ma taille. Aïe, moi qui voulais me lever pour... Il va me falloir attendre un peu, ou la réveiller, et ça, il n'en est pas question. Je n'ai pas à patienter très longtemps. En même temps que s'ouvrent ses yeux, le plus beau sourire qui soit illumine son visage. Le bras qui était autour de ma taille remonte vers mes épaules. Elle m'attire à elle. Les lèvres qui viennent chercher les miennes sont tendues et douces comme un fruit cueilli du matin. Lorsqu'elle me rend ma bouche, c'est clairement un regret. « Morning, darling. » « Bonjour, mon ange. » Je lui souffle à l'oreille que je ne peux attendre plus longtemps à moins de provoquer une catastrophe. Elle me libère d'un rire. « Allez, dépêche-toi. » Je file sans demander mon reste. La halte aux toilettes et l'autre dans la salle de bain me rappellent le petit paquet que le docteur Random m'a fait porter hier au bureau, après m'en avoir donné le mode d'emploi par téléphone. Un détour par ce qui est censé être ma chambre pour récupérer la boîte et je reviens vers Nathalie. Personne. Je retourne à ma place et en profite pour examiner le contenu de la petite boîte métallique dont je dévisse le couvercle. Elle contient une gelée translucide légèrement huileuse, une sorte de pommade destinée à calmer les échauffements de notre folle nuit de jeudi. Patrice a vraiment ri quand je lui ai parlé de la poudre orange de Sylvie et de ses effets secondaires. Vous avez peut-être eu la main un peu lourde et plus que d'échauffement. Je crois que c'est de congestion dont il s'agit. Je te fais porter un baume de ma composition par l'infirmier. Une application matin et soir pendant 2 jours. Interne aussi pour madame. Et tout devrait vite rentrer dans l'ordre. Nathalie sort de la salle de bain, toute fraîche, cheveux brossés et nus, t'élèves dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que c'est ? Elle désigne la boîte. Je lui explique en quelques mots l'utilisation de son contenu, sa provenance et la lui tend. Tu n'auras qu'à la laisser dans la salle de bain. Elle prend la boîte et me regarde d'un air perplexe. Le bout de l'index est posé sur ses lèvres pincées en une moue qui, d'ordinaire, marque chez elle une intense réflexion. Suis-je obligé de l'appliquer après la douche ? Innocemment, je réponds, je ne pense pas. Pour toi, c'est aussi une application interne et Patrice m'a précisé que le produit était résistant à l'eau. Elle passe la boîte sous son nez. Pas d'odeur. Elle en prend la grosseur d'une noisette sur le bout du doigt et sans me quitter des yeux, la dépose dans le creux de sa main. « Approche !» Son regard ne laisse aucun doute sur ses intentions. Adossé aux oreillers, je ne bouge pas d'un centimètre. C'est elle qui, à 4 pattes sur le lit, vient vers moi avec des allures de fauve. J'avoue ne poser aucune résistance, même et surtout lorsque... Je me vois reconverti en applicateur. Plus tard, encore un peu essoufflé, elle s'apaise lentement et se laisse aller contre ma poitrine. Elle m'embrasse doucement dans le cou et me murmure à l'oreille. On devrait pouvoir prendre tous les médicaments de la même façon. Je caresse ses cheveux et son odeur monte vers moi. Juste l'odeur de sa peau, l'odeur de l'amour. Je lui mordis le lobe de l'oreille. Avec les sachets que nous a promis Sylvie, il est impératif que je demande une ordonnance à Patrice pour renouveler l'antidote. Elle rit. La poudre, l'antidote. Il vaudrait mieux que je n'oublie pas ma pilule. Sans ça, on est sûr de faire un bébé. Instantanément, je sens la crispation de tout son corps. « Oh, pardon, je ne voulais pas... » Je la serre très fort contre moi. « Ne dis rien, mon ange. Moi aussi, je voudrais un enfant de toi et... Je ne sais pas quand et où, mais ce jour viendra, j'en suis sûr, Nat. » Je sens ses larmes couler dans mon cou. Nous restons peau à peau sans parler. Nous n'avons plus de mots, l'émotion est trop forte. Le temps s'écoule lentement. Ses doigts jouent dans mes cheveux, mes mains glissent sur ses hanches. Une petite voix tout contre mon oreille. Je ne sais pas l'heure qu'il est, je commence à avoir faim. Les perles de ses dents grignotent le lobe de mon oreille et me font craindre le pire. Je la bascule doucement sur le côté. Il est trop tôt pour se passer de petit déjeuner et trop tard pour un breakfast. Un pancake et un café, sinon je crains qu'on ne zappe le barbecue à la piscine. Un bisou, elle saute sur ses pieds. Ok, mais ce matin c'est moi qui m'en charge. Et sans se préoccuper du fait qu'elle est nue comme la main, elle file vers la cuisine, fait une pirouette avant de passer la porte, et défense de t'habiller. Tu es trop craquant tout nu. » Je la rejoins, un peu embarrassée. Autant il est aisé à une dame d'aller et venir sans le moindre sous-vêtement, autant c'est un peu plus compliqué pour un homme, surtout après l'exercice auquel nous venons de nous livrer. J'aurais dû passer à la salle de bain et ne pas lésiner sur l'eau froide, mais trop tard. Il me faut gérer au mieux l'encombrant problème. Je prends donc le parti de m'asseoir et d'attendre qu'elle me serve. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, il la fait sourire. « Quoi ? Pardon. Pourquoi souris-tu ? » Son sourire s'accentue, ses fossettes se creusent. Elle s'approche, la poêle à la main, serre les pancakes et repose l'ustensile sur la gazinière. Par provocation, elle passe à me frôler pour aller s'asseoir. « Parce que je sais quoi faire de mes seins lorsque je marche nu, alors que tu as manifestement un problème ?» Prenant son poignet, je l'intercepte. « Imagine un instant que tes seins sont entre tes jambes. » Son rire est clair comme un cristal. Je la fais asseoir sur mes genoux et lui vole un baiser. Le contact de ses fesses nues sur mes cuisses est un effet désastreux. Elle s'en rend très vite compte. « Je crois que tu t'échauffes aussi vite que les pancakes refroidissent. » Puis j'allais m'asseoir. Et elle ajoute avec un rictus féroce. « Sinon c'est toi que je mords. Il faut que je mange quelque chose. » Un bisou, prolongé, pour parfaire le désastre. Elle se lève prestement et regagne sa chaise. J'adore ce sourire, mi-tendre, mi-moqueur. Les yeux dans les yeux, de vous endurer chaque bouchée. Se pourrait-il que le bonheur soit aussi simple que ça? Toujours en tenue d'Adam et d'Ève, nous allons terminer notre café dans le séjour. Rien ne nous presse. C'est le premier week-end de détente depuis 15 jours. Chacun a un bout du canapé. On ne sait jamais, elle s'assied en tailleur face à moi parfaitement consciente de ce qu'elle expose sans pudeur. Elle a toujours quelques difficultés à contrôler ses pulsions exhibitionnistes. Malgré tous mes efforts, mon regard est comme aimanté et revient systématiquement se poser au même endroit. À cette distance, il m'est impossible d'en ignorer le moindre détail. Ce dont manifestement elle se délecte. Un petit bout de langue rose passe et repasse entre ses lèvres. Me concentrer sur mon propos relève de l'exploit, mais je ne céderai en aucune façon, ni en lui sautant dessus, pas plus qu'en battant piteusement en retraite, encore moins en lui demandant de changer de position. Je ne sais pas trop comment j'y parviens, mais j'arrive à me concentrer suffisamment pour lui parler de la modification de programme dont nous avons été informés hier soir par un téléx. C'est Fred et la NASA qui en ont décidé après réception des derniers calculs en marge, desquels Nathalie a fait quelques observations. Ils en ont manifestement tenu compte. À partir des résultats obtenus au Tchad, il s'avère que les mesures initialement prévues près de la plantation du Cameroun ne seraient pas d'une très grande utilité. En quelques lignes, Nathalie a convaincu son monde qu'il serait plus judicieux de prévoir deux séries de relevés dans la région de Buéa, au plus près du volcan. Toute la logistique de l'opération en a été modifiée. La chaîne diplomatique US a fonctionné avec une efficacité redoutable et là où toutes les ressources du siège parisien n'auraient pas suffi, tout a été réglé en 48 heures. Elle ne m'en a rien dit, mais je soupçonne fort Nathalie d'avoir été à la manœuvre. Madame la conseillère est peut-être incroyablement efficace, mais je suis persuadé qu'aucun de ses collègues et encore moins sa hiérarchie n'est capable d'imaginer le petit jeu pervers auquel elle se livre à l'instant même. Elle a décidé de me faire craquer. J'ai décidé de ne pas céder. Imperturbable, c'est du moins ce que j'essaie de lui faire croire, je développe. En comptant les voyages, le Cameroun nous prendra 4 jours avec seulement 2 sites à relever. Pour le Gabon, j'évalue le séjour à 10, peut-être 12 jours. Le visage impassible, comme s'il assistait à une réunion de direction, Madame la conseillère m'écoute attentivement. Ton ambassade à Yaoundé ayant confirmé la réservation de l'hôtel à Buéa et notre prise en charge à l'arrivée à Douala, on n'aura qu'à se laisser porter. Au Gabon, l'hébergement sur la plantation est toujours d'actualité, mais je crois la direction du site un peu optimiste. Elle se penche pour poser sa tasse sur la table et, ce faisant, écarte encore plus largement les genoux. D'un air innocent, elle suit la direction de mon regard. Aurais-je renversé du café ? Elle cherche vraiment à me déstabiliser et manque de peu y parvenir. Je bafouille, manque de m'étrangler. Non, non, tout va bien. Elle enfonce le clou. Ah bon? Parce que je me demandais ce que tu regardais avec ton insistance. Tu disais à propos du Gabon? Je déglutis péniblement. Oui, la campagne de récolte commence dans 2 mois et toutes les chambres du club sont en pleine rénovation pour héberger les cadres saisonniers et sans doute aussi la case VIP. Donc, elle rit. Donc, on va dormir dans la forêt avec les pygmées. C'est à mon tour de rire. Non, on a deux options. Le Mazoukou, l'unique hôtel de Franceville, mais c'est loin d'être le top, surtout au niveau propreté. Ou alors, l'hébergement chez un couple d'amis. Ils ont une très grande maison à la sortie de la ville et ils seraient ravis de nous recevoir. Ce sont tous les deux des scientifiques qui travaillent au Centre international de recherche virologique de Franceville. Je crois qu'ils te plairont beaucoup. Si tu es d'accord, je les appellerai depuis le Cameroun. Elle saute enfin sur ses pieds. Tes amis sont toujours exceptionnels et je serais ravi de rencontrer ceux-là. Et si nous allions nous préparer pour le barbecue, j'ai envie de me faire belle. Elle me dévisage d'un air dédaigneux. Peut-être aurais-je plus de succès qu'avec toi. Nathalie n'aime pas perdre, surtout à ce jeu-là. Je me lève à mon tour et lui emboîte le pas, les yeux rivés à ses si jolies fesses. Sans se retourner, elle me lance. « Bravo pour le self-control, John Rin. J'ai tout fait pour que tu me sautes dessus, mais tu as tenu bon. Félicitations. » Elle a pris le temps de se faire belle. En prévision de la baignade, elle a opté pour une queue de cheval un peu moins austère qu'un chignon. Par-dessus son maillot de pièces bleues fluo, elle a passé un débardeur noir et un panier blanc à motif en dégradé de gris. Au pied, des tongs de cuir, ou plutôt, devais-je dire, des nails. Elle est splendide, et même si je sais que je ne suis pas très objectif, il me faut quand même bien admettre qu'elle l'est vraiment. Personnellement, j'ai un short et un débardeur blanc. En montant dans la voiture, je réalise que nos maillots sont non seulement de la même couleur, mais aussi du même tissu et que dire de nos Ray-Ban. Maillots et lunettes ont été achetés dans la même boutique de Miami. Si avec ça personne ne fait le lien, c'est que les gens sont aveugles ou font semblant de l'être. Son sac besace de toile à l'épaule, Nathalie me précède et marque une halte en haut des marches de la piscine où, vu le nombre de véhicules sur le parking, il doit y avoir vraiment beaucoup de monde. Le temps que je la rejoigne, elle est en train de faire de grands signes de la main à quelqu'un que je ne peux encore apercevoir. Encore deux marches et j'ai une vue d'ensemble. Il n'y a plus beaucoup de transats libres et ceux qui nous souhaitent la bienvenue sont les Astiers, les deux Valois, qui nous ont gardé de place. Toujours aussi démonstrative, Minou nous accueille par de grandes marques d'affection. Vous êtes magnifique. Vous faites un très beau couple. Il y a comme un blanc. Heureusement, l'esprit d'à propos de Sylvie nous tire d'embarras. Tiens, tiens, je suppose que vous publiez bientôt les bancs. Tout le monde éclate de rire, mais je vois bien une ombre passer dans les yeux de Nathalie qui a ôté ses Ray-Ban pour faire la bise à nos amis. Bertrand me prend par le bras. Minou ne peut pas s'en empêcher, dès qu'il y a une gaffe à faire, elle est là. À part ça, on vous a gardé deux places à notre table. Et au fait, c'est toujours d'accord pour demain soir. Si une chose est sûre, c'est bien celle-là. Rien ne pourra nous empêcher de passer notre dernière soirée avec vous. Nathalie est rayonnante. Elle fait un petit signe à nos amis et après avoir posé son sac, entreprend de faire le tour de la piscine pour saluer tout le monde. Pour chaque personne, Nathalie a un mot gentil, un sourire. Je crois que Sylvie avait raison quand elle disait qu'il y a une sorte d'aura autour d'elle. Les gens doivent le sentir et ont spontanément envie de lui parler. À mi-parcours, je la vois s'accroupir près des transats d'un couple de jeunes cadres africains et leur bambin de 3 ans. Elle n'a pas besoin de chercher à apprivoiser l'enfant. Comme s'il la connaissait depuis toujours, le petit bonhomme vient sans hésiter se blottir dans ses bras. Le tableau est touchant. Ce petit garçon tout noir dans les bras de cette femme aussi blonde qu'il est possible de l'être. Nathalie a bien amené son appareil, mais d'une part je suis trop loin pour une photo, d'autre part il est hors de question que je me permette de fouiller dans son sac, même pour la bonne cause. Nathalie revient vers nous de sa démarche de danseuse. Elle s'étonne de trouver des draps de bain tout propres sur le transat. Quelqu'un a oublié sa serviette? Minou lui prend la main. J'ai pensé que vous n'aviez pas ce genre d'accessoires dans vos bagages. Nathalie se penche vers elle. Un bisou. Vous êtes un amour, Minou. Oh non, c'est vous qui êtes un amour, Nathalie. Vous êtes l'amour de tout le monde ici. Et même que dans tous les villages, tout le monde parle de vous. Nathalie lui refait un autre bisou, sans oublier les deux Valois et Astier qui boudaient déjà pensant qu'elle allait l'ignorer. Je vois bien qu'elle est très émue par tant de gentillesse et dire qu'il va falloir quitter tous ces braves gens. Tout le monde est allongé depuis longtemps à lézarder sur les transats qu'assises dans leur coin, Nathalie et Minou discutent encore. Puis Nathalie se lève. Un mouvement des bras et le débardeur passe par-dessus sa tête. Un autre geste et le pagne qui saignait sa taille rejoint le débardeur. Nathalie n'est pas la seule à être en maillot de pièces. mais elle est la seule à être debout, et ce sont une cinquantaine de perdus qui se braquent sur elle. Il n'y a dans ses regards ni réprobation ni concupiscence, que de l'admiration et de l'émotion devant tant de grâce et de beauté. Comment ne pas être admiratif et ému par la perfection de ce corps si troublant? Troublant davantage par ce qu'elle émane que par ses formes. On dirait que les gens la remercient d'être belle, si simplement belle. Son maillot semble avoir été dessiné sur elle. D'un mouvement souple et gracieux, elle s'allonge entre Sylvie et moi. Sylvie, qui elle aussi a choisi d'abandonner le une pièce pour le bikini. Ce faisant, elle entre en rébellion ouverte contre les harpies qui doivent certainement avoir un sixième sens pour être restées chez elle. L'heure du buffet barbecue approche et il est impossible de ne pas accepter l'apéritif offert par Astier, qui, aussitôt tout le monde servi, demande la parole. C'est plus spécialement à Nathalie qu'il s'adresse. « Mes amis, juste une minute. On devait dîner chez moi ce soir, mais la demande générale est pour dire au revoir à Nathalie. On se retrouve tous au local de Répète. Moustache et Barm vont tout préparer et je propose qu'après le dîner, on se fasse un bœuf. Façon de dire au revoir à une grande dame, aussi grande par son talent que par sa modestie. Pour le reste, je ne sais pas trop, car je suis nul en maths, mais d'après Sylvie, notre amie américaine jongle avec les équations comme avec les notes de musique. » Tout le monde applaudit, faisant se retourner quelques têtes dans notre direction. Nathalie est rouge de confusion. Dans la sphère où elle évolue, elle est habituée à entendre des discours flatteurs aussi creux que les personnages qui les débitent. Mais là, il ne s'agit pas de flatterie. Ce n'est pas le genre de la maison Astier. Ça sort tout droit du fond du cœur. Elle est si émue de cette marque d'amitié qu'elle en bégaye. Oh, je... Merci. Merci à tous. Ce sera avec plaisir. Elle se tourne vers Astier. J'espère que vous avez gardé ma guitare. Si je l'ai gardée, plus personne ne l'a touchée après vous et plus personne n'y touchera. Là, c'en est trop pour Nathalie. Elle tente vainement de dissimuler son émotion en portant une main à sa bouche. Mais deux larmes la trahissent. C'est malin, vous me faites pleurer. Merci à tous, je vous aime. Elle se penche vers Sylvie et je l'entends lui murmurer quelques mots à l'oreille. C'est bien connu, la meilleure façon de ne pas se mouiller est d'aller à l'eau. C'est aussi la meilleure façon de cacher ses larmes. D'un même élan, les deux femmes se lèvent et plongent dans la piscine sans une éclaboussure. Une longue coulée, elles refont surface à mi-longueur. On pourrait croire qu'elles ont toujours fait de la natation synchronisée. À chaque mouvement de l'une correspond un mouvement de l'autre. Une demi-douzaine de longueurs et je leur fais signe de revenir. En petit groupe, tout le monde se dirige vers les tables, le buffet est ouvert. De la même façon qu'elles avaient plongé, c'est d'un même appui sur les bras et avec une souplesse incroyable que les deux amies se hissent sur le bord de la piscine. Un peu essoufflées et toutes mouillées dans le soleil, elles sont magnifiques. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le remarquer, mais quoique légèrement plus petite, Sylvie a la même morphologie que Nathalie. Un corps très musclé, mais des formes douces et pleines. Les seins que j'avais entrevus à l'hôtel des chasses sont tels que dans mon souvenir et le mini soutien-gorge de son bikini a du mal à les contenir. Avec un sourire narquois, Nathalie se saisit de la serviette que je lui tends. Elle se penche pour essorer ses cheveux. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Ça donne envie. Je fais comme si je n'avais rien entendu et enfile mon débardeur, puis, en gentleman accompli, j'escorte ces dames jusqu'à notre table. Le pagne mouillé de Nathalie ne cache plus grand-chose. Avançant sa chaise, j'en profite pour riposter à sa petite pique. Mouillé, ton pagne est plutôt indiscret. Ça donne envie. Je rêve ou elle vient de me tirer la langue. Je lui fais notre signe convenu pour lui dire que là, c'est la fessée assurée. Son sourire et sa grimace de petit lapin qui fait bouger son nez me disent « Je n'attends que ça, vivement qu'on rentre. » Le barbecue du chef est un vrai chef-d'œuvre. Ses viandes marinées sont un régal, fondant à souhait. Les 10 premières minutes, un silence de cathédrale se fait autour des tables, puis graduellement, au fur et à mesure que les estomacs se garnissent, les langues se délient, et c'est bientôt un joyeux brouhaha au milieu duquel on entend les verres qui tintent et le bruit des couverts sur les assiettes. Le reste de l'après-midi se passe à lézarder et à bavarder avec de temps en temps un petit plongeon pour se rafraîchir. Seulement voilà, le temps passe vite et le soleil est déjà bas sur l'horizon. Il faut songer à rentrer et à se préparer pour la soirée au Sugar Rocks Club. Je referme à peine la porte de la grande case que toute chaude de soleil, Nathalie est déjà dans mes bras. Cet après-midi était une vraie torture, si près de toi, sans pouvoir te regarder comme j'en avais envie. Je referme mes bras sur elle. Elle sent bon le soleil. Je l'embrasse et je crois que ce baiser va durer longtemps lorsqu'elle me repousse doucement. Sa tête penchée sur le côté, un faux air de petite fille timide et d'une toute petite voix. J'ai cru comprendre que tu m'avais promis une fessée. Je la soulève dans mes bras et son sac tombe à terre. Nul ne s'en soucie. J'emporte ma proie et la dépose à genoux, le buste à plat sur le grand lit. Je détache son pagne et abaisse son maillot. Le ton faussement sévère, je demande « Une petite ou une grande fessée ?» La petite voix un peu étouffée me répond « Si je n'ai pas été trop vilaine, ce sera une petite fessée, sinon ce sera une grande. » « Et alors, as-tu été très vilaine ?»« Je crois que oui. » Avant que je n'aie pu poser la main sur la poignée, la porte s'ouvre sur l'adorable sourire de Minou. Après le brouhaha qui s'entendait depuis l'extérieur, le silence subi nous surprend. Je m'efface pour laisser passer Nathalie, et l'instant où elle entre, c'est le déchaînement. Une douzaine de poitrines poussent à trois reprises un retentissant « Pour Nathalie, hip hip hip, hurrah !» Une immense banderole faite d'un vieux drap blanc barre le mur du fond, une main d'artiste y a inscrit à la bombe de peinture bleue « À Nathalie, the Sugar Rocks Queen ». Avant que nous n'ayons pu esquisser le moindre geste ou dire un seul mot, nous sommes en train de trinquer un verre de champagne à la main. Tous nos amis sont là. C'est une surprise. Patrice, Marie, Zorro et Michel Monnier sont aussi de la fête. Je ne savais pas qu'Astier les avait invités. Tout le monde s'embrasse. À l'invitation d'Astier, Nathalie, transfigurée, monte sur la petite estrade et prend le micro qu'il lui tend. « Vous êtes des amours, et je ne sais si j'ai vraiment mérité tout ça. Vous m'avez déjà tant donné. Je peux vous dire une chose, et ce ne sont pas que des mots. Je ne sais pas si nous nous reverrons un jour, mais aussi longtemps que je vivrai, vous resterez dans mon cœur. » Elle voulait sans doute rajouter quelque chose, mais l'émotion lui noue la gorge. Un instant de silence et c'est un tonnerre d'applaudissements par-dessus lequel s'élève la voix d'Astier. « Allez, tous à table, on va pas se mettre à chialer, non ?» En parfait gentleman, dont il n'a pourtant pas le look, il avance la chaise de Nathalie. Ce n'est que lorsqu'elle s'assied que cesse l'ovation qui a dû être entendue de toute la cité. Pas de serveur pour l'apéritif, présenter les plats ou débarrasser, nous sommes strictement entre nous. Astier l'a voulu ainsi, et c'est très bien. De toute façon, avec Minou à la tête des opérations, chacun se voit attribuer un rôle, sauf Nathalie, qui en tant que reine de la soirée est supposée ne rien faire. C'est mal la connaître, et c'est elle qui, avec l'assurance d'un maître d'hôtel, fait le service des assiettes garnies. Je me demande comment Astier a réussi à cuisiner la fabuleuse paella qui nous a servi, et surtout, comment il a fait pour en trouver les ingrédients. Rien n'y manque, et en particulier moules et crevettes. Trouver ces denrées, même congelées au beau milieu de nulle part, relève de la magie pure, et il n'en est pas sans coup d'essai. Tout le monde parle encore des huîtres fraîches qu'il a fait livrer au club pour le repas de Noël. L'ambiance est à la fête et certains en sont très vite à leur deuxième assiette. Il faut quand même pas mal de liquide pour faire descendre une telle quantité de nourriture, et les deux immenses glacières, qui ne contiennent que du rosé de Provence, s'ouvrent de plus en plus souvent. Je fais un rapide tour de table, pas un verre qui, à peine rempli, ne soit aussitôt vidé. Contrairement à celui des autres convives recouverts de buée, celui de Nathalie ne l'est pas, ce qui signifie qu'elle n'y touche pas beaucoup. Elle fait bien d'être prudente. La générosité d'Astier dans ce domaine est légendaire. Il met un point d'honneur à ne jamais laisser un verre vide. À mesure que le temps s'écoule, le niveau des conversations monte et l'arrivée du dessert interrompt à peine les rires et les éclats de voix. Ce que je devine du contenu de l'immense saladier tout embué, porté par Vermeulen, ne va pourtant pas contribuer à rafraîchir l'ambiance. Pari gagné, c'est la salade de fruits tropicaux, version Minou, c'est-à-dire qu'il doit bien y avoir une bonne demi-bouteille de rhum dans la mixture. Ce que je hume brièvement de la coupe que l'on me fait parvenir confirme mes pires craintes. Les Astiers savent recevoir. Cette soirée restera dans nos cœurs et dans nos mémoires. Outre le repas pour lequel Astier et Minou se sont surpassés, nous allons partager des moments intenses avec nos musiciens et leurs chanteuses préférées. Il n'y a certes pas la sono et les éclairages de la soirée de fin de campagne, et rien n'a été répété. Mais l'ambiance intimiste et l'improvisation renvoient une émotion considérable, surtout quand Nathalie, seule à la guitare, nous chante son Texas natal. Personne n'a envie que la nuit finisse. Il faut pourtant bien songer à se séparer, car toutes les bouteilles sont vides, comme le fait remarquer Astier. C'est un peu difficile de se quitter, surtout que chacun le sait bien. C'est la dernière soirée avec Nathalie. avant de s'endormir, blottie dans mes bras, elle me dit « C'est vraiment très émouvant, et quelque chose me dit que demain avec les deux Valois, ce le sera davantage. » Elle me fait un bisou léger comme une plume et se blottit contre moi. Je m'apprête à lui demander ce qu'elle entend par ce quelque chose, lorsque je me rends compte qu'elle dort. J'en ai souvent été témoin. Sa capacité à s'endormir quasi instantanément est plus que surprenante. Un baiser sur la joue, une caresse dans ses cheveux, et je ne tarde pas à la rejoindre au royaume de Morphée.